Mardi 5 mars 2013, bienvenue à l'aérospatiale Gilles Gagné, qui est contente d'être avec vous après une petite pause la semaine dernière. Cette semaine, on se reprend, on remplit notre émission comme à l'habitude. En deuxième partie, on discute avec Yano Deranlo du duo Série Pop qui va nous présenter l'exposition More Time Than Space, installation qui est présentée chez Engram. Catherine Boivin viendra nous parler des expositions qu'elle a vues à l'œil de Poisson. Également, on discute avec Mariole Lehmann autour de son exposition Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Limited qui est présentée à vue jusqu'au 17 mars. Comme à l'habitude, Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse. On mettra probablement plein de dossiers dans la pile de dossiers à suivre. Et Simon Roy nous propose cette semaine un album de Yoko Absorbing. Bonjour Simon. Bonjour Julie. Ça va bien? Ben oui, Yoko Absorbing, le nom du duo m'a vraiment interpellé. Je sais pas, ça m'a accroché juste avec leur nom. Effectivement, ça pique la curiosité. Ben oui, puis finalement, c'est une belle découverte. C'est un duo à la base, c'est Eugene K. J'en ai déjà fait jouer à l'émission, puis il y a également Michael Lezine. Donc, c'est deux musiciens vraiment intéressants. Il y a un peu de guitare, du piano, des claviers, percussions, un peu de collage audio aussi. On peut décrire leur ce qu'ils font, c'est vraiment éclectique. Un peu de pop noise, musique concrète, un petit bout de free jazz aussi, un peu de rock prog et également post-rock. Donc, deux improvisateurs vraiment, vraiment excellents. L'album s'intitule Museum of Modern Chaos. Toutes sortes de pièces vraiment différentes les unes des autres. La première pièce que je présente, c'est la pièce Museum Opening. C'est un peu de piano distant. Ça sonne un peu field recording, une pièce assez mystérieuse. Donc, une belle découverte cette semaine. C'est sur l'étiquette Clinical Archives, une étiquette russe, plus de 500 albums gratuits en téléchargement. Donc, j'invite les auditeurs qui veulent approfondir un peu plus l'album à aller sur la page de l'aérospatiale pour télécharger l'album. Et voilà. Ben merci beaucoup, Simon. Merci. Puis nous, on t'écoute dimanche à Web Musique. On s'en va tout de suite. On écoute un extrait. Museum Opening sur les ondes de CKRL. C'était finalement un extrait de la pièce Free Future de Yoko Absorbing, l'album Museum of Modern Chaos. C'était une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion. Les liens aussi pour la revue de presse de Raymond Poirier qui est avec moi et qui me sourit. Bonjour. Bonjour. Et on commence, tiens, du côté de Montréal. J'ai quand même l'impression que ça fait pas très longtemps. On en avait parlé, il y a quelque temps, l'arrivée à la tête de la Biennale de Montréal de Nicole Gingras, qui avait été commissaire, donc, ici à Québec de la dernière manif d'art. Et, aussitôt arrivée, aussitôt partie. Donc, on a appris via le journal Le Devoir qu'elle a donné sa démission. Donc, cet événement. On a reçu un communiqué disant que, le Centre international d'art contemporain de Montréal regrettait le départ de Madame Gingras, tenait à souligner son dévouement dans le développement de la Biennale de Montréal et de vous être le meilleur dans son cheminement professionnel. On n'a pas de commentaire spécifique, sinon, face à ce départ de la part de cet organisme-là. On n'a pas non plus de la version ou les explications de la part de Madame Gingras dans l'article. Il n'y a pas eu vraiment aucun commentaire. Selon les informations, ça reste assez mystérieux. Techniquement, parce que souvent dans des situations comme ça, on pense chicane interne. Encore une fois, selon les informations du Devoir, ce serait pas non plus la raison. Alors, pourquoi est-elle partie? Ben, le mystère reste entier, mais suffit de dire qu'elle a quitté, en fait, elle quittera au fil du mois de mars. Évidemment, ça met pas en péril la tenue de l'événement, mais par contre, c'est sûr que ça risque de mettre un peu problématiquement le renouveau promis de l'événement. Bon, prochaine édition pour septembre 2013, il y a déjà des co-commissaires de désigner, alors probablement que ça aura lieu tout de même, mais que d'ici là, il faudra trouver rapidement donc une nouvelle direction. Eh bien, c'est un autre dossier à suivre. Et oui, je l'avais dit mentionné tantôt. Exactement. Et sinon, puisqu'on est du côté de Montréal, je mentionne que jusqu'au 17 mars, si vous y allez dans cette sympathique ville, il y a l'événement art souterrain, donc exposition dans des bâtiments de la ville, dans des stations de métro également, donc dans des corridors souterrains au centre-ville. Des artistes, il y en a beaucoup, 121 projets créés par 140 artistes, 9 en provenance de Barcelone, la ville invitée. Et donc, l'idée étant de présenter des artistes de la scène émergente dans un contexte qui est différent et dans un contexte qu'on peut relier à l'art public, puisque c'est des lieux qui sont fréquentés, évidemment, de manière quand même assez active par les Montréalais. On parle quand même là, de plusieurs milliers de personnes qui passent par ces zones-là à chaque jour. Et on fait quelques articles, d'ailleurs, qui font aussi état des difficultés de financement d'un événement comme celui-là. Alors, on dit que c'est littéralement par la volonté de faire de l'organisateur Fred Loury que la nouvelle édition a lieu actuellement. Plus d'informations également via le web côté programmation. Mais donc si on est à Montréal, je pense que ça vaut quand même le détour. Effectivement. On fait le saut vers les ventes aux enchères. On aime bien suivre cet univers-là avec beaucoup de curiosité et de questions. Ce qu'on sait de nouveau cette année, c'est notamment qu'on commence à vendre des choses sur Internet, notamment du Andy Warhol. C'est la Christie's qui a lancé en fait sa termine aujourd'hui une vente aux enchères de 125 œuvres du fondateur du mouvement Pop Art. C'est quand même beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup. Des très petites œuvres. On parle, par exemple, d'une lithographie représentant un chat qui démarre à 400-600 $. Des œuvres comme la boîte de conserve Campbell, donc classique de Warhol, qui part, lui, à 50-70 000 $. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir à tous, en fait, la possibilité d'avoir accès à une pièce de Warhol. Donc, on parle d'une enchère peut-être un peu plus démocratique que les enchères qu'on connaît déjà. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'est une première série qui pourra être suivie d'autres enchères en ligne au fil de 2013. Et évidemment, si ça connaît un certain succès, peut-être qu'il y aura aussi d'autres maisons et d'autres artistes qui seront mis en ligne comme ça et qui se verront mettre de l'avant via des enchères électroniques. Je pense que Warhol aurait bien aimé ça, en tout cas. Oui, c'est pas inintéressant. Et Warhol, d'ailleurs, Art Price, qui a sorti ses constats sur les artistes les plus vendeurs de l'année dernière et qui a placé Warhol numéro 1. Il avait été supplanté l'année dernière par le chinois Zhang Dajiang et Pablo Picasso. Et donc, il a repris la tête. On parle d'à peu près des ventes cumulées de plus de 329 millions de dollars hors frais. Première tête qu'il avait gagnée en 2007, perdue par la suite. Picasso, qui suit quand même d'assez proche aussi, et Zhang Dajiang, on parle de ventes autour de 286-287 millions de dollars. Les Chinois qui, donc, ralentissent un peu, en fait, se retrouvent en quoi, troisième, quatrième position, et en cinquième place. Et ça, c'est intéressant. Enfin, on voit que certains événements peuvent vraiment mousser les ventes aussi d'artistes. C'est l'Allemand Gerhard Richter, en fait, qui a fêté son 80e anniversaire de naissance. Et donc, dans le fond, on a beaucoup profité de cet anniversaire-là pour mettre de l'avant, justement, l'œuvre de l'artiste et, évidemment, les ventes aussi de cette dite œuvre. Alors, ça a porté fruit puisqu'il s'est retrouvé en cinquième place de ce palmarès. Et en terminant, on termine avec une triste nouvelle, en fait. Céramiste québécois de réputation internationale, Maurice Savoie, qui est décédé à l'âge de 82 ans. Monsieur Savoie, qui avait fait des études à l'École du meuble et à l'École des beaux-arts de Montréal, qui s'était perfectionné à l'étranger, qui s'inspirait beaucoup du monde de la mythologie et de la magie, qui a présenté ses œuvres dans plus de 100 expositions, que ce soit au Canada, en République tchèque, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Des œuvres qui font partie des collections permanentes du Musée national des beaux-arts du Québec, de la Bibliothèque et Archives Canada, du Musée des beaux-arts du Canada et d'autres. Alors ben voilà, donc il nous a quitté cette semaine. Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. On t'écoute vendredi à 17h30? Oui, et on parle de résidence de création en BD. Voilà, donc la vie en BD vendredi. On s'en va en pause audio, on écoute Museum Opening. Et au retour, on discute avec Mariole Lehmann. C'était un extrait de l'album Museum of Modern Chaos de Yoko Absorbing, une suggestion de Simon Roy. Et ben voilà, j'accueille avec moi à l'instant Mariole Lehmann qui présente Anglo-Canadian Pulp and Mills Limited. Bonjour. Bonjour. C'est une exposition que tu présentes à vue. Peux-tu nous en parler peut-être juste de manière générale? Qu'est-ce que c'est? Oui. c'est une exposition sur les moulins à papier. Donc c'est une exposition photographique, évidemment, vu que c'est présenté à vue photo. Et ce travail-là, c'est un travail là que sur lequel je suis assez actif là depuis 3 ans. C'est un projet qui a mariné longtemps avant que j'arrive à ce que je veux. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de travailler un projet sur deux aspects. Premièrement, sur la mémoire collective. Deuxièmement, sur l'impact que peut avoir l'homme sur le territoire et le retour que ça peut avoir sur l'homme, cet impact-là. Et il y a quelque chose avec les moulins à papier qui m'a toujours fasciné parce que en arrivant de Suisse, quand je me suis mis à m'intéresser à l'histoire et à la géographie du Québec, on fait toujours ça, hein, quand on arrive dans un nouveau territoire, on essaie de l'apprivoiser. Et il y a quelque chose qui me fascinait dans l'omniprésence des moulins à papier. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que dans le fond, en dehors de quelques grandes villes comme Québec et Montréal, la majeure partie des villes au Québec existent parce qu'il existe un moulin à papier. Ouais. Alors, on peut faire abstraction de l'Abitibi où c'est plus le développement minier parce qu'on a quelque chose de plus récent. Mais le reste, là, on parle de ce qui s'est développé là dans la première partie du 20e siècle. Là, ça s'est vraiment tout tourné autour du moulin à papier. Et que ça a énormément d'influence sans qu'on s'en rende compte vraiment, parce que c'était une époque où il n'y avait pas d'urbanisme, par exemple. L'urbanisme s'était fait par la compagnie de papier qui construisait l'usine. Alors, il y a des choses assez frappantes, comme le fameux quartier des Anglais, qui est toujours du bon bord du vent, et le quartier des ouvriers francophones, qui est du côté qu'on a le vent dans la face. Comme Wallow, par exemple. Ben, on peut le voir aujourd'hui. Là, quand je quittais là, depuis Méduse, là, sur la côte d'Abraham, là, on voyait très bien le panache de fumée de la White Birch là, qui rôdait là, juste au-dessus des toits de Limoilou. Là. Fait, c'est exactement ça. Puis ça, ben, c'est pas juste Limoilou. Là. C'est Alma, c'est Jonquière, c'est Stingus, c'est Trois-Rivières, Windsor, c'est Shawinigan, Windsor. On peut toutes les nommer. Là. Toutes ces villes sont sur ce modèle-là. Alors, il y a ça. Puis, il y a quelque chose aussi qui m'interpellait là-dedans, c'est toute la notion politique et sociale aussi, qui a eu énormément d'impact et qui en a encore. Alors, à différents niveaux. Par exemple, c'est sûr que si on remonte un peu dans le temps, il y a probablement tous ces moulins à papier-là sont un peu à la source du besoin d'indépendance qu'on a. Je sais qu'il y a eu les patriotes avant, mais en même temps, quand on parle là, première moitié du 20e siècle jusqu'à la Révolution tranquille, ben, on était dans un contexte où les Québécois étaient employés dans des usines et les boss étaient des Anglais et ils leur parlaient en anglais. Fait que c'est vous sûr qu'à un moment donné... en anglais de l'exposition, j'imagine. Oui, voilà, exactement. C'était pour soulever là, cet aspect politique et social-là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça doit avoir un impact. Puis il y en a encore un maintenant, quand je vois les travailleurs de la White Birch qui se sont fait mettre dehors, qui se font réengager, mais pas tout le monde. Puis que là, on apprend que les retraités qui ont travaillé toute leur vie se font couper 45% de leur fonds de pension. Ouais. Ben, il y a un impact social. Puis en fait, je parle de couper, mais c'est pas couper, c'est voler. On s'entend qu'ils ont travaillé toute leur vie là-dessus. C'est de l'argent qui leur appartient, qui leur a été volé par la compagnie. Alors, il y a des choses autour de ça qui m'interpellent beaucoup. Et c'est sûr que quand on regarde l'exposition, on se rend pas compte tout de suite de ça. C'est ça, mais il y a quand même toute la portée dans le paysage aussi de ces endroits-là, de la fumée, tout ça. Il y a quelque chose quand même de très, très fort qui est au-delà de la relation, par exemple, entre le patron et l'employeur. C'est l'impact justement sur le paysage, sur le territoire, mais qu'on peut voir, qu'on peut percevoir oui. dans les photos. Pour moi, c'était important parce que je fais aussi du travail, de mon travail photographique plus standard. Là, j'ai été beaucoup influencé, par exemple, par les bêcheurs. Donc, j'ai beaucoup de photos industrielles où on voit les usines. Je voulais sortir de ça. Pour moi, c'est important de voir le moulin à papier dans son territoire, comment il se situe là-dedans. Donc, ce travail-là, il est vraiment... On passe sur autre chose. Et en plus, on est dans quelque chose de beaucoup moins graphique, mais qui se rapproche plutôt de la peinture. Il y a une certaine abstraction. Parce qu'il y a comme des dédoublements. Voilà. Comment toi, tu les appelles? Ben, c'est un travail de superposition amène un travail de texture qui fait que l'image est un peu plus abstraite qu'une photo traditionnelle. Et ça permet aux gens de s'approprier davantage l'œuvre parce que les gens vont compléter avec leur mémoire. Et un exemple, par exemple, quand on parle de la photo de une des photos de Hastings, alors on voit l'église catholique francophone là, qui est au milieu de la fumée, donc un symbole là, politique relativement fort. Et les gens à vue pensaient tout ce que c'était Limoilou, parce que vu qu'on est à Québec, les gens connaissent Limoilou, puis de voir un clocher d'église dans la fumée du moulin à papier, pour eux, c'est Limoilou. Mais ouais. Et l'image, dans le fond, a suffisamment d'abstraction pour permettre aux gens de s'identifier à ça. Et ça leur parle beaucoup plus que ça soit Limoilou que Hastings, qu'ils ne connaissent pas puis qu'ils n'ont pas vraiment visité. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un rapport intime à ces photos-là, mais il y a quelque chose d'universel aussi en même temps, dans le sens où l'église, dans la fumée des pâtes et papiers, on peut la trouver un peu n'importe où aussi, finalement. Oui, bien, on peut la trouver à peu près partout au Québec, là. Même par exemple en Gaspésie, là, où on pense que c'est juste du tourisme et des pêches, bien, le papier est omniprésent quand même. Il y a beaucoup de quais, qu'on pense que c'est des quais de pêche, mais c'était des quais pour exporter le papier. Ouais. Alors, c'est beaucoup plus présent qu'on le pense. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Et je voulais pas nommer les lieux par rapport aux photos. Je veux que les gens s'approprient les lieux. Et pour moi, c'est pas très important qu'on regarde Clermont ou qu'on regarde Windsor. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens regardent les photos et se les approprient par rapport à leurs propres souvenirs. Parce que c'est beaucoup ancré dans la mémoire des gens. Tout le monde connaît quelqu'un à un moment donné qui a travaillé dans un moulin à papier. Son père, son grand-père, son oncle, whatever. C'est tellement important qu'on n'a pas besoin de remonter très loin en arrière pour retrouver ça dans la vie des gens. Alors, c'est ça qui m'intéressait aussi, là, que les gens se connectent avec ça. En même temps, c'est comme une trace d'un passé industriel au Québec, dans le sens où, bon, il y a les usines de pâte et papier qui ferment, mais également d'autres domaines industriels qui disparaissent lentement ou qui ont carrément disparu. Je pense à ma mère, par exemple, qui travaillait dans le textile. Aujourd'hui, elle lutte pour avoir un emploi. Donc, ça, c'est comme tout un passé du Québec qu'on peut observer. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quelque chose qui est... Encore là, il y a un propos politique là-dessus par rapport à la mondialisation, par rapport au fait que... par exemple, on parlait de l'industrie du textile. Ça concerne la Beauce. J'aurais pu parler de l'amiante qui concerne plus la région de Thetford Mines. Ce qui m'intéressait avec le moulin des papiers, c'est que c'était plus universel. Mais le problème, il est le même partout. Puis ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est justement... toute cette idée de dire, on a exploité du cheap labor pendant longtemps, maintenant ils se sont syndiqués, ils demandent trop cher, ils veulent des trop bonnes conditions, fait qu'on va aller ailleurs, on va aller en Chine, on va aller en Thaïlande, on va aller en Inde, puis on va aller exploiter des gens là-bas à la place. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui m'interpelle. C'est sûr qu'il y a un commentaire politique derrière ça. Et c'est sûr que quand on regarde les photos au premier abord, on le voit pas nécessairement. Et on peut voir, quelque part, c'est du paysage, là. Ouais. Et on se rend pas compte tout de suite de l'omniprésence de l'usine via la fumée ou tout ça. C'est en regardant un peu plus loin, en approfondissant ça. Et évidemment, ma manière de faire de l'art est très influencée là, par la politique, l'environnement, tout l'aspect social. C'est des choses qui me préoccupent, mais je le présente pas d'une manière documentaire. Je vais présenter des œuvres qui sont plus poétiques, qui amènent les gens à avoir une relation différente avec. Alors, c'est important qu'il y ait des gens qui lèvent les drapeaux, puis qui crient, puis qui... présente les choses de front, et c'est important aussi qu'il y ait des gens qui le fassent d'une autre manière. Moi, ma manière de le faire, c'est d'une autre manière, d'une manière peut-être... plus dans l'évocation, dans la poésie aussi. Oui, en fait, c'est moins direct, on est obligé d'y réfléchir, ça fait son chemin, mais je pense par exemple beaucoup aux photos de Burtinsky, où il nous montre des choses absolument merveilleuses et absolument atroces en même temps. Alors on voit des très très belles photos, puis quand on regarde la photo plus en détail, on se dit « Wow, ok, là je suis en train de regarder les sables bitumineux, c'est pas cool. » Il y a vraiment quelque chose de troublant et dans cette beauté-là. Là, il y a quelque chose de troublant, puis là ça nous amène une réflexion plus loin que d'avoir quelqu'un qui nous crie à l'oreille. Puis encore là, tu sais, je veux pas aller contre les gens qui nous crient dans les oreilles, là, ça en prend, là, des gens qui bougent. Nous réveille, là, mais c'est oui. Ça, ça prend ça aussi, mais il y a une autre approche qui me touche beaucoup, moi, dans aller plus dans la réflexion, puis évidemment, ça oblige à la discussion, ça amène à avoir une discussion autour de ça. Et d'ailleurs, avec Alexis Desgagnés, qui est directeur artistique à Vue, Alexis m'a invité à faire une conférence pour justement parler de tout ça. Donc, parler du travail photographique, parler de l'image, mais aussi parler de l'aspect politique, social, environnemental. Il trouvait ça intéressant d'aller justement plus loin dans la discussion que juste présenter les photos. Donc, ça aura lieu jeudi cette semaine à 17h30 là, à la Galerie de Vue. Les gens qui n'ont pas encore vu l'expo pourront la voir à ce moment-là, puis on pourra surtout en discuter. Oui, puis l'expo va vraiment prendre tout son sens. En voyant puis en écoutant aussi. Oui, puis c'est pas juste moi qui va parler. Évidemment, on appelle ça une conférence, mais c'est en fait une conférence-discussion. Donc, l'idée aussi, c'est que ça amène la discussion. C'est ça qui m'intéresse avec ce travail-là. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, lors du vernissage, en parlant avec des gens qui ont vu l'expo, etc. Ce qui m'intéresse, c'est d'embarquer dans cette discussion-là. Pas juste de présenter un clocher d'église dans la fumée, mais d'aller plus loin puis d'en parler pourquoi. D'ailleurs, c'est très intéressant. J'étais invité la semaine passée à CBC pour parler de ça. C'était intéressant d'en parler avec des anglophones. Oui, un autre regard. En fait, ça, c'est comme le regard de l'employeur d'une certaine manière, sans dire que les gens qui travaillent là... Voilà, mais en fait, dans les faits, ce que je trouve qui ressort de là, c'est qu'on a réduit ça peut-être à anglophone versus francophone. Ouais. Alors que dans les faits, le problème, il est beaucoup plus plus patron versus employé. Ouais. Et on se rend compte maintenant avec la mondialisation que c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, il y a certaines de ces usines-là qui appartenaient à des francophones et qui les traitaient de la même manière que les anglophones. Par exemple, quand ils ont fermé Val-Jalbert, mais ça appartenait à des francophones, ça appartenait à la famille Dubuc. Et ils ont fermé le village au complet, le village au complet leur appartenait. Alors, ça date pas d'hier, ça a beaucoup existé. On prend les ressources tant qu'il y a de l'argent à faire, puis après ça, ben, ça nous préoccupe plus. Et je pense que ça va vraiment plus loin qu'une question anglophone et francophone, mais au Québec, ça a été quand même marquant. Je suis convaincu de ça, là, sur le développement du sentiment d'indépendance, de vouloir être maître chez soi. Ben, quelque part, quand on se fait parler là, tous les jours par un boss en anglais, c'est sûr qu'on a envie de défendre notre langue, on a envie de défendre le français. Puis comme je dis, là, ça c'est pas arrivé de nulle part. Il y a eu les patriotes avant, il y a eu un paquet d'autres raisons, mais c'est sûr que ça a dû jouer. Là. Peut-être une petite question en terminant, parce que bon, là, il y a cette série-là que tu présentes, mais tu as fait d'autres séries quand même photographiques. Tu t'adonnes aussi à la vidéo, à l'art audio. Quelque chose que j'ai remarqué, en fait, principalement dans tes photographies, tu disais que tu étais dans l'évocation, dans la poésie. Tu travailles beaucoup le paysage, notamment le territoire aussi. Tu disais la mémoire, mais j'ai senti comme une espèce de solitude en regardant ces photographies-là. La maison dans la campagne, la grille, par exemple, l'ampoule dans la manufacture. Est-ce que c'est quelque chose qui pas nécessairement que tu vis, mais qui ressort dans ton travail, à ton avis? En fait, ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'humain sans le montrer. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir la marque de l'homme sans qu'il soit présent. Donc, par exemple, j'ai une nouvelle série que je présente à Espace F à Matane actuellement, qui s'appelle Terre, qui est un regard sur le Québec rural, mais via encore l'industrialisation de cette ruralité. Ouais, parce que c'est toujours en filigrane, ça. Ben oui, parce que c'est la marque c'est cette histoire de la marque de l'homme sur le territoire. Et donc, ben évidemment, on voit pas trace directe de l'humain, on voit pas de bâtisse, on voit pas de tracteur, on voit pas de voiture, on voit pas de personne. Pourtant, ils sont omniprésents. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Encore là, je comprends qu'il y a un genre de dualité, là, mais je sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer cette marque-là sans qu'il y ait personne. Ça fait partie encore là du travail, par exemple, de Burtinsky, où la marque de l'homme est extrêmement forte. Et pourtant, à part le travail sur le shipbreaking au Bangladesh, on voit presque pas d'êtres humains et ils sont omniprésents. Voilà, je pense qu'en même temps, il y a quelque chose d'inconscient là-dedans. Et il y a aussi le fait que pour moi, la photographie, c'est un acte très solitaire. Ouais. Je le fais, contrairement par exemple à mon travail en art audio, où là je vais être beaucoup en performance, je vais beaucoup interagir avec le public, il va y avoir de l'improvisation, etc. Donc on est dans autre chose, mais c'est vrai que mon travail photographique est très solitaire, j'ai besoin d'être tout seul dans ma bulle, puis je cherche à éviter les traces directes là, d'êtres humains, que ce soit via des voitures ou des personnes ou des choses comme ça dans tout mon travail. Comme tout mon travail de photographie sur les villes, je suis dans des villes et pourtant il n'y a jamais personne. Et pourtant, s'il y a bien une place où il y a du monde, c'est les villes. Dans les villes, il y avait un autre aspect, parce que quand on est dans une ville à l'étranger, souvent, ben effectivement, on se sent très seul, même s'il y a beaucoup, beaucoup de monde autour. Le fait, par exemple, qu'on ne parle pas la langue, le fait aussi qu'on ne connaît pas personne, etc., ben il peut y avoir un sentiment de solitude. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Ça va vraiment dans cette idée d'essayer de voir la trace que l'homme laisse, puis sans qu'il soit présent. Là. Eh bien, Marielle Lehmann, merci beaucoup. Ben, merci pour l'invitation. Je répète, jeudi, 17h30, à Vue Photo, conférence autour de l'exposition Anglo-Canadian Pulp and Mills Limited. C'est présenté jusqu'au 17 mars. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Catherine Boivin. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. KRL. Québec. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les geeks contre-attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus? Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Ce soir à CKRL, de 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Deuxième demi-heure de l'aérospatiale, et pour la débuter, j'accueille Catherine Boivin. Bonjour. Oui, bonjour Julie. Tu t'es rendue à l'œil de poisson en fin de semaine, on s'est croisés d'ailleurs, mm-hmm. Donc c'est pas une grande surprise. Non, exactement, l'œil de poisson qui nous présente toujours en trois volets, en trois expositions, dont celle de la grande salle Luc Paradis. Pour qui, ben moi c'était ma première, c'était une découverte là, je le connaissais pas. Ouais, moi non plus je le connaissais pas. Non, et puis en fait on aurait pu le croiser si on est allé à la biennale au symposium de peinture de Baie-Saint-Paul en 2009. Okay. Il était invité dans un symposium qui avait fait beaucoup parler à l'époque là, qui avait été dont le commissaire avait été Martin Dufresne. Okay. Et puis donc incroyable et merveilleux, une ambiance quand même assez baroque. Ouais, ouais, ouais. C'était bon. C'est intéressant aussi ce qu'on pouvait y retrouver. Donc, Luc Paradis, lui, on me disait qu'il avait une démarche solo, autodidacte. Alors, il n'a pas passé par l'école des beaux-arts. Il en est venu au monde des arts visuels un peu, peut-être... Par la bande. Par la bande, par essai-erreur, enfin, en tentant du graphisme. Et puis, c'est quelqu'un qui fréquente les milieux musicaux de Montréal avec toute la scène underground émergente. Là, pour Je sais qu'il a fait des pochettes pour Silverman Zion, notamment, puis Feu Thérèse. Oui, j'en avais un autre aussi, pas chic-chic, aussi Silverman Zion, comme tu disais. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, des productions quand même assez intéressantes qui voyagent. Et puis, il a fait, le graphisme des pochettes. Donc, quelqu'un d'intéressant, on aurait pu le voir aussi à l'automne à la Parisian Laundry à Montréal. Là, je sais pas s'il a présenté le même type d'exposition ou je crois qu'il a fait quelque chose de spécial pour l'œil de poisson. Alors, ça s'appelle Viser Goliath Foreign Memories. Donc, une espèce de titre français-anglais qui nous demande d'aller viser Goliath, qui est un géant, et puis sinon de faire référence à des mémoires étrangères. Ouais. Donc, déjà, de l'étranger. Oui, de l'étranger. Ouais, donc, en fait, cette idée d'un peu c'est comme d'un collage là, des choses qui vont pas nécessairement ensemble. Et c'est l'effet que va nous laisser cette exposition là, parce que c'est conçu comme une exposition collective. Alors on occupe tous les murs de la galerie, vraiment avec une série, une abondance de propositions artistiques. Il y en a quoi, au moins une trentaine, quarantaine, facilement, là? Oui, franchement, facilement. Ça oscille entre la sculpture, des œuvres 2D pour la plupart, mais toutes sortes de médiums. Hein, je disais tout et son contraire. On passe du dessin à l'abstraction. On a vraiment l'impression d'une exposition collective et on n'a vraiment pas nécessairement l'impression que c'est tout de la même main. Mais ce qui est intéressant aussi, je fais une parenthèse par ton exposition collective, puis la présentation, mais il y a deux murs qui sont peints en vert, qui donnent un effet un peu classique, comme si c'était présenté dans un musée. Ah oui, l'effet salon, là, ouais. Avec plus justement, on tapisse les murs d'œuvres. Peut-être que c'était voulu, ça, parce qu'il y a vraiment une abondance. Puis ce qui est un peu particulier, c'est que l'espace de l'œil de poisson est très vaste et ça. Puis les œuvres sont pour la plupart assez petites, ouais. Hein, de petits formats. Mais oui, l'effet un peu ancienne expo peut jouer. Toutefois, on n'a pas nécessairement, je dirais, au niveau de la rigueur technique, la qualité qu'on verrait dans une exposition traditionnelle, parce que une des caractéristiques de Luc Paradis, c'est le côté naïf, c'est le côté je touche à tout et je ne suis expert en rien, ou je m'approprie des langages. On a l'impression de quelqu'un qui est en train de reviser un peu les courants des grands artistes, parce que il y a des allusions. On se dit, ah tiens, ça, on est dans le design abstrait des années 50, 60. Oups, on est rendu dans le pin-up ou l'espèce d'imagerie un peu un peu sadomaso, en dessin, toujours un dessin naïf qui est pas tout à fait maîtrisé, un dessin au plomb, dans des petits formats de papier. Donc, on est dans le côté low-fi, ce que je pourrais imaginer, low-fi, et puis... Donc, on se questionne à savoir si c'est volontaire ou non. Moi, j'ai eu cette réflexion-là en visitant l'exposition. Est-ce qu'il fait exprès? Voilà. Ou, tu sais, pour faire ça comme ça, ou c'est sa manière de dessiner, tout simplement? Ben exactement. Ben c'est un peu la question qu'on se demande, parce qu'on se dit, est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce qu'on est en train de nous raconter, là, nous faire une certaine apologie d'un art plus populaire et naïf? Mais s'il y a quelque chose de maîtrisé dans ce discours-là, tout à fait. En fait, moi, je dirais non, parce que c'est quelqu'un qui a posté un petit vidéo sur proposé par l'œil de poisson et qui nous parle un peu de son travail et nous parle de sa démarche, qui est une démarche quand même assez spontanée, qu'il aime justement s'approprier différents univers, qu'il aime, là, en ce moment, c'est beaucoup la sculpture. On avait des pièces comme des sculptures en taille directe, très anguleuses, avec des faces extrêmement exagéré là, les traits là, vraiment, et on a même un peu joué avec le trompe-l'œil, parce qu'on pense que c'est du bois, mais c'est pas du bois, enfin. Alors pour lui, c'est assez nouveau ça, qui pour lui de traiter la 3D aussi. Puis il parlait du fait que il avait l'impression de devoir investir plus de temps. Puis l'absence de maîtrise, ben ça lui donnait des résultats spontanés. Alors c'est lui qui le dit ça lui-même. Alors il s'avoue hein, vraiment autodidacte Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que cette absence de maîtrise là lui donne des résultats spontanés. C'est donc volontaire. Il va choisir de ne pas pousser. Il s'assume. Plus avant dans une discipline ou dans une autre. Oui, exactement. Là, est-ce qu'il va aboutir quelque part puis il va avoir quelque chose? En fait, il y a peut-être un style figuratif qui a peut-être fait sa marque de commerce pour ses pochettes. Il fonctionne. Des fois, on a l'impression que c'est de la gravure. Des fois, c'est de la peinture, du dessin. Mais le style figuratif, un peu... Peut-être pas de l'image d'Épinal, mais un peu inspiré peut-être de la BD. Oui. J'ai pas encore maîtrisé très bien là, tout son langage, parce qu'il nous amène un peu partout, hein, dans différentes propositions. Et puis, il y a même une œuvre sur couverte de laine, tu sais, une espèce de face, un visage vraiment fait à la va-vite, presque pas loin du graffiti, finalement. Donc, il y a une fraîcheur dans ce geste-là, mais en même temps, il y a une absence de discours, de profondeur, je dirais, peut-être dans le propos. T'as l'impression qu'il s'éparpille un peu? Oui, j'ai cette impression-là. J'ai l'impression que à force de trop vouloir essayer partout, là, on ne sait plus là, exactement. Ça donne un effet assez... l'effet collectif, il y a quand même quelque chose qui rattache toutes ces œuvres-là, parce qu'elles ont tous la même facture de pas tout à fait fini, là, tu sais, le low-fi, un peu bad art, là, il faut le dire, on est dans cette esthétique-là un peu. Donc, ça rapproche un peu tout ça, mais il y a des éléments où vraiment on se demande tu sais, ça a été placé là parce qu'il faut combler le vide, là. Tu sais, un peu plus décoratif peut-être aussi dans cette proposition-là. Mais moi, ce que je peux pas m'empêcher de penser en pensant à cette exposition-là, je viens de dire le verbe penser pour la troisième fois dans la même phrase, c'est quand même la difficulté qui est de s'éparpiller comme ça aussi. Je pense qu'il faut quand même se contrôler dans une certaine mesure, parce que si son but était de faire une exposition collective, c'est d'être capable de se placer en dehors de soi-même, mm-hmm. puis de voir ou de créer les choses selon différents points de vue, selon différentes, peut-être j'extrapole un peu loin, mais personnalités. Oui, mais je pense pas que l'intention est aussi réfléchie que ce que tu proposes. Okay. Je pense vraiment qu'on y va dans le geste spontané, et puis justement, à un certain moment, il faudrait peut-être savoir s'arrêter puis dire bon ben c'est nécessaire au discours de rajouter cette patente là. Ouais. Et bon, parce que des fois, on se demande vraiment le langage. Enfin, il faudrait peut-être voir est-ce qu'il y a un dialogue qui peut s'établir entre les œuvres, mais il est pas facile à voir. C'est peut-être ça que je lui reproche, le fait de pas avoir su s'arrêter pour le voir. Mais enfin, c'est intéressant ce rapprochement-là. En fait, toutes les questions, parce que le côté narratif nous amène à nous poser des questions. D'ailleurs, il y a plusieurs œuvres dessins de plomb qui rappellent un effet d'esthétique sadomasochiste, un peu mais dessiné sur le bord d'une table, un peu pour certains, là, des masques avec à zipper ou deux femmes en train de se fouetter la foufoune. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on pourrait insister sur autre chose, tout son travail abstrait de forme géométrique, en fait, qui explore tout un langage de l'abstraction. J'insiste là-dessus parce que je voudrais aussi parler un peu de la petite galerie. Ben oui, parce qu'il y a autre chose à l'œil. Voilà, tu me donnes le temps d'en parler. Avec première visite avec un type qui s'appelle Olivier Morvan, qui nous vient de la région d'Orléans en France. Et il a proposé tout un réseau. En fait, il occupe l'espace avec une corde comme élastique là, qui est tendue tout en haut, sur les quatre murs et au plafond, et au milieu de ça, une chaise, une petite chaise en bois de bureau qui est suspendue à l'envers. Donc, il parle de son travail, enfin, qui réfère aux magiciens, là, la escapologique, là, qui doivent s'enlever d'une mauvaise situation, là, tu sais, ceux-là qui s'enferment dans l'eau avec des cadenas. Ouais. Et il y a cette référence-là, mais il y a une référence, en fait, aussi assez quand même... C'est inquiétant parce que la corde est noire et puis ça crée des verticales quand même un peu agressives. Donc, il y a du bondage de chaise, finalement, qui fait un rappel avec le bondage suggéré, le sadomasochisme suggéré par Luc Paradis. Puis, son côté un peu low art va faire un rappel avec l'entrée de l'œil de poisson. Oui, Frédéric Laliberté et Sarah Leroux. C'est Sarah Leroux et Audrey Saint-Laurent. Pourquoi je pensais que Frédéric Laliberté Chemelé? Qui occupe avec une esthétique très princesse, très bricolage, de petite fille de l'amour, le thème de l'amour et l'œuvre vidéo sur le thème un peu de la princesse qui embrasse son prince et puis tout ça avec beaucoup d'ironie. Alors, ces tirs groupés qui vont occuper cet espace vidéo-là en tant que commissaire et qui font venir... c'est stand de tir, pas de tir groupé, je me trompe. Stand de tir, donc, qui est un groupe de collectifs qui explore la vidéo interactive, ludique et le jeu dans l'entrée pour les trois prochaines expos à l'œil. Eh bien, voilà. Catherine Boivin, merci beaucoup. De rien. Les expositions à l'œil de poisson sont présentées jusqu'au 17 mars. Nous, on se revoit dans environ un mois. Donc, d'ici là, je te souhaite de passer du bon temps. Merci. Et nous, on s'en va en pause audio. On écoute la pièce Another Hemisphere sur les ondes de CKRM. Voilà, c'était un extrait de l'album Museum of Modern Chaos de Yoko Absorbing, une suggestion de Simon Roy. J'en profite pour répéter, si vous voulez trouver les liens pour le téléchargement des pièces, si vous voulez trouver les liens pour la revue de presse ou encore écouter l'émission en balado-diffusion, lire les communiqués en art visuel, vous allez sur le site laérospatiale.wordpress.com. Également, on est sur Facebook, donc vous pouvez toujours aimer notre page et vous mettre au courant de cette manière-là. Pour la dernière partie de l'émission, je reçois Yannick Desranleau, qui fait partie du duo Série Pop, qui présente More Time Than Space à Engram. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, tu formes Série Pop avec Chloé Lum. Vous présentez justement More Time Than Space. Est-ce que c'est possible peut-être de nous présenter l'exposition de manière générale? Qu'est-ce que c'est? Oui. Pardon? Non, allez-y, allez-y. OK, ouais, ben en fait, c'est une installation, c'est une œuvre immersive et... en gros, c'est on présente un peu, c'est un peu un exercice de style pour nous. Ça distille un peu les concepts formels avec lesquels on travaille depuis quelques années. OK. Bon, on le dit, c'est une installation, en fait, que vous avez déjà présentée à Toronto, si je me trompe pas. Mais dans ce cas-ci, en grand, vous avez vraiment réussi à tirer profit là, de la structure de la galerie, de l'espace. Oui, ça tombait bien. C'est peut-être un peu un hasard, dans le fond, que l'œuvre, structurellement, on aurait dit que la salle était comme faite pour écrire. Ouais. Tombe dedans, exactement. C'est presque un moule, finalement. Et puis, l'avantage de la galerie en grande, c'est quand tu dégages les fenêtres aussi, c'est vraiment une vitrine intéressante. Puis, ça met l'œuvre en valeur d'une certaine façon là aussi, ça, vu que bon, tu sais, ça investit l'espace d'une certaine façon, tu sais, une façon linéaire, mais aussi ça investit le volume d'une façon particulière, tu sais, entre l'exposition de l'œuvre dans la galerie d'Engram, ça marche bien, là, moi, ça, on était vraiment surpris là, même si on avait planifié là, un peu du résultat final, ouais. Quand on entre dans la galerie, il y a deux choses qui nous saisissent. D'une part, les couleurs éclatantes, mais d'autre part aussi le fait qu'il y a des impressions qui sont au sol et sur lesquelles on peut marcher. Ça surprend, hein, de quand on entre dans la galerie, de pouvoir marcher là-dessus, mais je pense que ça fait quand même partie de votre volonté que les gens marchent et que l'œuvre en vienne à se transformer ou se détériorer. Oui, ça fait partie du jeu un peu. Mais l'idée, c'était en utilisant la matière imprimée, bon, dans notre cas, on considère qu'on travaille encore avec l'affiche, hein, ça devient un peu comme la matière première. Là. Donc c'est toujours comme un format de papier rectangulaire, sérigraphié, et puis on l'utilise comme matière, mais l'idée c'était qu'en collant ces affiches-là sur le sol, au mur. Et puis en utilisant comme la structure de la galerie, tu sais, les murs, le plancher, même voir le plafond, on crée comme invariablement, tu sais, des volumes et puis un espace. Puis ça, donc ça donne comme une espèce d'impression de tridimensionnalité, mais tu sais, qui est virtuelle dans le fond. C'est un peu ça l'idée, c'est pas vraiment tu sais, dans un esprit relationnel avec le, mais c'est plutôt tu sais, par rapport à l'œuvre elle-même, tu sais, c'est ce qu'on trouve intéressant, c'est ben justement, tu sais, l'utilisation des couleurs vives suggère facilement un volume malgré l'absence de volume, tu sais, ben surtout comme à l'entrée de la galerie dans le cas de cette œuvre-là. Et puis donc c'est comme un des principes avec lesquels on travaille. Puis Donc cette œuvre-là est utilisée. Vous dites, Yannick Desranleau, justement, on est encore dans l'affiche, parce que je pense que c'est le travail d'affiche pour votre groupe AIDS Wolf qui vous a mené à l'estampe comme pratique de duo. Oui, ben on a ben plus ou moins, oui. Il y a une relation là, ici avec Chloé et moi, ayant été dans les groupes de musique. Ça travaillait un peu, comment je peux dire, en symbiose avec notre pratique en visuel, qui a, ben, notre collaboration qui a commencé dans le domaine de l'affiche. Et puis, je veux dire, ça travaille en symbiose avec les autres, avec d'autres groupes dans lesquels on a participé. Mais dans le fond, c'est ça, c'est un peu, c'était vraiment commencé en pratique d'affichiste traditionnel. On créait des affiches qui étaient affichées dans la rue. Je vous dis, il y avait un réseau, il y a des gens qui allaient afficher ça. On travaillait, c'était des trucs pour des événements culturels, surtout des concerts, aussi des fois des théâtres ou par exemple des présentations dans l'université, etc. Et puis nous, en voyant ce travail-là, une fois que ça a été affiché dans la rue, ben ça nous a, on a eu une réflexion, puis on a commencé à trouver qu'il y avait des propriétés qu'on pouvait exploiter via l'installation, d'où là, le cheminement a commencé. Là. Puis c'est comme ça on a commencé à faire notre travail en installatif. Ben j'ai l'impression justement les effets dans la rue, comme j'ai vu dans une entrevue, vous parliez des poteaux sur lesquels on voyait l'accumulation d'affiches par-dessus affiches. On a un peu cette impression-là aussi dans la structure qui est plus clairement tridimensionnelle dans l'installation. Oui, ben c'est ça, tu sais, il y a l'effet d'entropie, tu sais, et puis d'accumulation, tu sais, on trouvait ça intéressant, mais aussi c'était comme l'aspect interventionniste qui est pas limité, mais tu sais, à la gestuelle comme d'individu qui pose l'affiche, mais c'est aussi, il y a un aspect de communication, tu sais, donc, tu sais, c'est dans le fond tout ce qui est comme élément, c'est pas juste physique, mais aussi communicatif, visuel ou interventionniste de l'affiche, tu sais, qui a un vocabulaire, puis on trouve ça super riche. C'est vraiment ça qu'on veut appliquer, puis qu'on veut exploiter dans nos installations. Puis je veux dire, c'est d'une certaine façon, tu sais, on perd. C'est sûr qu'on va, à mesure de travailler, on perd le lien originel qu'on avait avec, par exemple, de l'exposition ou plutôt de la situation d'affiche dans la rue ou du premier constat visuel qu'on a fait. Puis, mais ça, c'est pas grave. À un moment donné, c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est que les concepts deviennent de plus en plus abstraits. Puis pour nous, ça devient de plus en plus riche. Le langage devient de plus en plus riche et personnel en travaillant. Mais tu sais, c'est à la base, c'est vraiment ces idées-là. Tu parles de langage, j'utilise le terme pour amener vers autre chose. En fait, il y a beaucoup de les mots prennent beaucoup de place, les lettres aussi. Dans l'exposition, il y a, je sais pas comment le prononcer, Rovr, qui est écrit par terre, mais également dans vos projets antérieurs, on en voit beaucoup là, en noir, en assez gros format. Justement, ça aussi, j'imagine que ça vient du monde de l'affiche. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est comme je te disais, c'est un peu l'idée de prendre ces concepts-là, puis de les mettre de plus en plus abstraits pour qu'ils deviennent de plus en plus comme des matériaux bruts. Puis, tu sais, c'est l'aspect graphique, l'aspect textuel de l'affiche. On trouve que c'est intéressant, puis qu'il y a matière à réflexion là-dessus, puis on trouvait que, tu sais, d'une certaine manière, tu sais, les mots peuvent être matière, puis en tout cas, je veux dire, nous, on a toujours tiré intérêt de, mettons, de d'autres plutôt de mouvements passés, là, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail avec les mots comme le Dada, par exemple. Et puis, tu sais, c'est par, mettons, l'utilisation de onomatopées comme ça. Mais il y a quelque chose de pop aussi là, dans votre travail, par le travail de la couleur, des mots, du gros lettrage. Ouais, ben je pense que c'est indéniable, je pense. On trouve ça, tu sais, je crois, dans nos influences passées, mais moi, ben, encore, aussi, ben, moi, je peux, c'est ça. On peut qualifier ça comme ça, mais nous, tu sais, peut-être qu'on voit ça moins d'une certaine façon parce que, l'utilisation de la couleur a beaucoup plus une qualité, c'est beaucoup plus une qualité de formelle, de réaction face au volume environnant. ou du volume, au volume de la galerie plutôt que un lien historique avec, mettons, le mouvement du pop-art ou de la publicité comme telle. Ouais, c'est plus un effet qui est créé par l'utilisation des couleurs vives que nécessairement on va associer justement au mouvement pop plus que par une intention réelle d'être pop finalement. Ça, exactement. Eh bien, Yannick Deranleau de Série Pop, merci beaucoup. Ah, il n'y a pas de quoi, merci à toi. Donc, l'exposition More Time than Space est présentée à Engram jusqu'au 30 mars. On fait une très courte pause audio. On écoute Yaps Psycho sur les ondes de CKRL. Voilà, c'était notre dernière pause audio. C'était Ya Psycho de Yoko Absorbing. En terminant cette semaine, plutôt que faire un calendrier, j'ai envie de vous parler de l'appel de projet de première ovation en art multi, puisque la date limite de dépôt est le 15 mars, donc à la fin de la semaine prochaine. Donc, on invite les artistes professionnels émergents de la Ville de Québec à soumettre leurs projets pour les programmes offerts. Donc, bourse de recherche, de création et de production jusqu'à concurrence quand même de 15 000 $, bourse de diffusion jusqu'à 7 500 $ et bourse de mentorat jusqu'à 2 500 $. Artistes et organismes, comme je le disais, ont jusqu'au 15 mars pour déposer les dossiers. Vous pouvez vous créer un profil, utiliser les formulaires électroniques disponibles sur le site premièreovation.com. Également, si vous avez des questions sur les critères d'admissibilité et tout ça, vous allez sur ce site-là. Donc, c'est déjà tout pour l'aérospatiale. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde et je vous laisse avec Gilles Chaumel et son excellente émission Folk d'Amérique.